Nous sommes Radio Cayenne, c'est tous les lundis. Si t'as pas d'ordi, va donc chez tes amis. Tu entendras les infos de lutte sur Nantes, grève, réflexion, manie. Et puis des blagues! Salut, salut! Eh ben moi, c'est Samos. Et cette fois-ci, pour une fois, moi j'ai envie de vous parler de Berlin. Parce qu'en vérité, Berlin, ça me fait rêver. C'est une ville qui me fait rêver parce que, tout simplement, au fait, j'aimerais bien y habiter parce que pendant tout le mois, là, il s'est passé plein de choses. Il s'est passé, il y a eu, par exemple, une décoration d'un nationaliste antiféministe par des féministes. Du coup, ils l'ont bien affiché, décoration d'une de ces maisons dans le quartier. Voilà. Du coup, il y a plusieurs dates. Je vais y aller un peu chronologiquement. Ça commence, déjà, ça commence même pas en mai, ça commence en avril. Bon, mauvaise nouvelle et bonne nouvelle en même temps. Enfin, ouais, mauvaise nouvelle. Mais ça va se gérer. En avril, il y a eu une émeute dans un quartier populaire qui s'appelle Friedrichshain, où il y a deux squats qui y sont. Faut savoir qu'à Berlin, c'est une ville où il y a, de fait, il y a eu pas mal de squats, et de plus en plus maintenant, la ville, elle veut fermer les squats. Du coup, dans le quartier de Friedrichshain, il y en a deux qui ont des procès au cul, aussi, enfin, qui attendent leur procès, et un des deux, qui s'appelle Riga 94, ils ont reçu plusieurs lettres de menaces de fachos dans leur boîte aux lettres, tranquille, quoi. Du coup, au bout d'un moment, ils se sont quand même aperçus de qui c'était. Il se trouve que c'était ça venait d'un couple qui tenait une boulangerie juste en bas de leur rue. Du coup, je pense, fin avril, il y a eu une émeute qui est partie du squat de la place qui était juste à côté du squat. Qui s'appelle la place du village. Elle est partie de là et ils ont attaqué la boulangerie de nuit. J'imagine qu'il y a eu un feu, tout ça. Il se trouve que lors de cette attaque, du coup, la flicaille bien aimée est arrivée et il y a eu un interpellé qui s'appelle Issa. C'est la deuxième fois du coup. Il s'est pris de la prison en attendant son procès. Il était en prison. Ça, je vais vous l'expliquer pendant le mois de mai, là, comment ça va se passer. Et en gros, Issa, c'est un des habitants de la Riga 94. Et c'est la deuxième fois qu'il se prend de la prison en un an. Du coup, ça commence comme ça. Ça, c'était fin avril. Donc, le 5 mai. Le 5 mai, il y a eu la décoration d'une maison d'un nationaliste antiféministe par des féministes avec la photo et tout. Alors, j'ai pas lu exactement, j'ai pas pris le temps de lire sur la photo qu'est-ce qu'il y avait marqué. Toutes les infos que je donne, en fait, elles sont pas traduites. Elles sont sur indymediaberlin.de. Voilà. Le 6 mai, il y a eu un feu d'artifice, du coup, en solidarité devant la prison de Moabit, en solidarité avec Issa et tous les prisonniers. Le 11 mai, il y a eu un tract qui a été écrit qui s'appelle « Notre théorie, la communication par les actes ». En gros, ce tract, il parle beaucoup de la gentrification de la ville de Berlin et aussi, ça parle... De leurs difficultés avec en fait dans un autre quartier de Berlin, dans un autre quartier populaire où il y avait aussi pas mal de squats, où un squat s'est fait expulser juste avant que il y a un gros projet Google Amazon qui veulent se mettre par là. Du coup maintenant la zone elle est hyper sécurisée, il y a des caméras un peu partout. ils ne savent pas trop comment réagir par rapport à ça, parce que direct, dès qu'ils veulent faire des actions, ils savent qu'ils sont filmés. Et voilà, quoi. Il se trouve qu'il y a quand même eu quelques actions de fête, notamment, ils se sont baladés dans des rues, donc pas autour, pas à l'endroit où Google et Amazon veulent se faire, mais dans des rues un peu adjacentes. Il y a eu, ils ont trouvé une voiture de sécurité. Donc ils se sont dit, tiens, bah, c'est une voiture d'agent de sécurité, les mêmes qui veulent gérer nos vies, tout ça. On n'a qu'à la cramer. Ils l'ont cramée. Et en fait, ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'ils l'ont appris après par les médias, c'est que il y a un journal qui leur a demandé comment ça se fait que leur voiture s'est fait cramer. Et l'agence de sécurité a dit, ah bah, on sait pas trop. C'est peut-être parce qu'ils savent en fait que en vérité, on sécurise aussi le lieu où Google et Amazon veulent s'implanter. Du coup, ils l'ont appris comme ça, en fait. Ils ne le savaient pas à la base, mais du coup, c'était un peu un jackpot. Le 12 mai, il y a eu deux autres incendies. Incendies de voitures. Les deux autres incendies de voitures, c'est toujours des entreprises qui œuvraient pour l'intelligence artificielle et la domination technologique. Du coup, ces deux entreprises, c'est GL3Net et Vonovia. Le 21 avril, il y a l'AFD qui voulait absolument faire une grosse fête pour fêter leur parti et faire un discours, leur discours de des européennes. L'AFD, c'est Alternative für Deutschland. C'est l'alternative pour l'Allemagne. C'est un parti d'extrême droite. Du coup, il y a des antifascistes qui se sont dit que genre juste il y a pas moyen de leur laisser la place et que ils allaient tout faire, ils allaient faire en sorte pour pas leur laisser la place en fait. Du coup, au début, ils voulaient faire ça dans une salle de la ville qui s'appelle Levesalle. Et du coup, ça s'est su. Et donc, au bout d'un moment, cette salle, le directeur de cette salle s'est rétracté. Il y avait quand même 500 antifascistes devant à les attendre, tout ça. Ils se sont dit que ça craignait un peu. Ils n'avaient pas envie que ça fasse du remue-ménage, je sais pas quoi. Ils ont pris peur, quoi. Donc, première victoire. Le 22 mai, du coup, en fait, nous, à Nantes, on connaît très bien l'entreprise Vinci, hein, multinationale, qui voulait construire l'aéroport sur la date qui, en fait, au final, ne s'est pas fait. Il se trouve que c'est une multinationale, comme je l'ai dit. Et bah, en Allemagne, à Berlin, ils le connaissent aussi. Sauf que, à Berlin, du coup, ils font pas ça, ils construisent des prisons, plutôt. Et du coup, le 22-05, il y a des personnes qui sont tombées de nuit sur une voiture Vinci et qui donc l'ont incendiée. Normal. Bravo. Après, il y a un article, le 24-05, qui s'intitule « Rien ne va être rangé ici ». C'est en gros contre les expulsions de squat qui, du coup... sont de, comme je le disais, sont de plus en plus fréquentes. Aussi les logements sociaux qui sont rachetés pour pouvoir être loués à 15 euros le mètre carré. Après, alors qu'à la base c'est censé être des logements sociaux, voilà, il y a de moins en moins de places en ville pour les précaires et les indésirables, et ils sont de plus en plus repoussés vers les extrémités. Le 25 mai, il y a eu une occupation, sans doute c'est un bâtiment, j'ai pas trop compris, mais je pense que c'est une ancienne entreprise, mais qui doit être assez grosse parce que du coup, c'est pas, ils vivent pas à l'intérieur du bâtiment. En fait, cette occupation, c'est une occupation avec des véhicules. C'est le seul endroit en ce moment où des véhicules peuvent aller pour se poser là-bas et des personnes qui vivent dedans et sans se faire emmerder, sans devoir payer un parcmètre, tout ça, quoi. Donc ça s'est fait le 25. Pour l'instant, j'ai regardé, il n'y a aucune nouvelle d'expulsion de cette entreprise. Ah oui, ça je l'ai pas dit. Pour en revenir à Issa, donc qui s'est fait emprisonner fin avril, il est ressorti le 17/05, le 17 mai, après 12 jours de prison pour la deuxième fois en un an. Donc, mais il est ressorti, ils ont fêté ça après, tout ça. Ils ont fêté ça le 24/05, le 24 mai. Il y a eu une émeute sur la place du village. Et cette fois-ci, par contre, les flics, ils avaient beau être un petit peu en avance pour regarder qu'est-ce qui se passe, tout ça. Et ben, ils ont pas su gérer le truc. Il y a eu du feu en plein milieu de la place. Il y a eu une émeute, quoi. Il y a eu de la peinture renvoyée du squat de la Riga 94 parce qu'en fait les flics ils s'étaient pas rendu compte que ils s'étaient mis juste au coin de la Riga 94. Du coup, il y a eu de la peinture renvoyée des toits de la Riga 94 sur les flics. Ils ont dû partir à ce moment-là. Ça a duré toute la nuit à peu près, enfin une bonne partie de la nuit. Résultat, cette fois-ci, ils n'ont rien pu faire. Ils se sont pas avancés. Il y a eu aucune interpel, aucun blessé, rien du tout. Et ça, c'est quand même une sacrée victoire. Voilà. Ça, c'était pour les nouvelles de Berlin.